إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a commencé hier avec l'explication, les commentaires du livre Qurratu Uyun al-Muwahhidin, qui est le sharh de Kitab al-Tawhid. Donc on va continuer inshallah aujourd'hui dans le cours numéro 2, et on est arrivé donc dans la continuation de l'explication de qu'est-ce qu'on expliquait par rapport au cours hier. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il était en train d'expliquer que Tawhid al-Rububiyya, c'est pas suffisant. La catégorie de Tawhid al-Rububiyya, c'est pas suffisant pour que quelqu'un soit considéré comme étant un musulman. Puisque la plus importante des aspects du Tawhid, c'est le Tawhid dans l'adoration. Et donc, on a commencé à expliquer les raisons pour lesquelles le Tawhid al-Rububiyya, ça ne suffit pas. Et le Cheikh, il est arrivé à un point où il donne il pose une question. Il dit, فَإِنْ قُلْتْ لِمَاذَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا نَقُولُ هَذَا لِأَجْلِ اسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ لَا عَلَى طَلَبِ الْإِقْرَارِ بِهِ مِنَ النَّاسِ ومن باب الإلزام للمشركين أنكم كما تقرون بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقرروا أو أن تقروا بتوحيد الألوهية وتخلصوا العبادة لله وحده وتتركوا عبادة ما سواه. Donc le Cheikh il explique que si on pose la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il mentionne beaucoup Tawhid al-Rububiyya? C'est-à-dire que si le fait de croire en Tawhid al-Rububiyya, ce n'est pas suffisant pour faire que quelqu'un devienne musulman, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, il parle de Tawhid al-Rububiyya dans le Coran, dans beaucoup de versets, dans beaucoup de passages? Quelle est l'utilité de mentionner Tawhid al-Rububiyya dans ce cas-là? Et donc, le Cheikh, il explique, il dit, nous disons à cette question, nous répondons que c'est dans le but d'établir la preuve et de l'utiliser comme argument pour confirmer et prouver la véracité de l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est comme si Tawhid al-Rububiyya, c'est la preuve pour confirmer et établir l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc on dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul Rabb, le seul maître, le seul créateur, le seul qui pourvoit la subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et le seul qui contrôle et qui est le maître de l'univers. Et on dit ça dans le but d'appeler les mushrikines à accepter l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et donc le Cheikh il dit, comme par exemple, on leur dit, puisque vous êtes d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul maître et le seul créateur, donc cela, ça exige de votre part que vous reconnaissiez également que Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que vous purifiez votre adoration. Dans ce cas-là, vous devez purifier votre adoration pour Allah seul et vous devez abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui. Hein? Ça, c'est là, c'est comme logiquement. C'est comme si on leur disait, logiquement, si vous dites que Dieu seul, c'est lui le seul maître et le seul créateur, donc ça, ça implique de votre part que vous devez vous limiter à adorer Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala, et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc c'est comme un genre de hujja, un argument, une preuve. Et le shaykh dit, وَلِذَلِكَ يُذْكَرُ تَوْحِدُ الرُّبُوبِيَّةِ. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on mentionne dans le Coran le tawhid d'Allah dans la seigneurie, dans la souveraineté, dans le tawhid de la souveraineté et de la seigneurie. ثم يأتي بعده مباشرة توحيد الألوهية أو يذكر توحيد الألوهية ثم يأتي بعده مباشرة ذكر الربوبية من باب الاستدلال وإقامة البرهان. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم, هذا توحيد الألوهية, الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخر الآية. وهذا توحيد الربوبية ذكره برهانا على توحيد الألوهية. Donc le cheikh il donne un exemple. Il dit on voit qu'il y a la mention de l'unicité d'Allah dans la Rububiyya, hein, dans la Seigneurie. Puis après, tout de suite, on mentionne le tawhid dans l'unicité, dans l'adoration. Et il dit, on mentionne parfois tawhid al-uluhiyya, puis tout de suite après, on mentionne quelque chose qui a rapport avec l'unicité d'Allah dans la Rububiyya comme preuve. Et donc, il donne un exemple de ça dans Surat al-Baqarah, le premier verset dans lequel il y a l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. » Donc ça c'est tawhid al-uluhiyya. Allah dit, « Adorez votre Seigneur. » Donc ça c'est tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire, rendez votre adoration pour lui exclusive. Adorez-le, lui seul. Adorez votre Seigneur, ça c'est tawhid al-uluhiyya. Puis ensuite, Allah il mentionne toutes les preuves de la rububiyya. Celui qui vous a créé, hein, et qui a créé ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété. Et après il dit, celui qui a créé pour vous la terre, comme un tapis, et le ciel, comme un toit, ou comme une construction, et ainsi de suite. Tout ça c'est la rububiyya. Hein? Donc c'est comme pour vous dire, adorez votre Seigneur, lui seul, et voici les preuves pour lesquelles, ou les raisons pour lesquelles vous devez rendre votre adoration pour lui exclusive, parce qu'il a toutes les qualités et les caractéristiques de la rububiyya, et là il commence à en énumérer, hein, une quantité. Donc, le shaykh il dit tout ça, c'est, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala utilise la rububiyya comme preuve pour établir la véracité de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il dit, ثم قال في آية أخرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذا دليل على توحيد الألوهية لما قال وإلهكم إله واحد أقام البرهان على ذلك فقال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. Donc encore un autre exemple que le cheikh il a mentionné. Il dit, dans le verset 163, dans Surat al-Baqarah, il dit, « Et votre divinité est une divinité unique. » C'est-à-dire, celui que vous adorez, vous devez l'adorer lui seul, parce que c'est lui qui mérite d'être adoré exclusivement. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et pour établir la preuve de ça, dans le verset qui suit, immédiatement après, Allah subhanahu wa ta'ala commence à dire, et parmi, il dit, « Et par... dans la création des cieux et de la terre et de la succession de la nuit et du jour et le bateau qui vogue sur la mer, hein, qui transporte tout ce qui est bénéfique pour les hommes et ce que Allah fait descendre comme pluie sur la terre par laquelle il fait revivre la terre après qu'elle fut morte, hein, et qu'il disperse également sur la terre toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'être vivant, et le fait qu'il fasse tourner le vent et les nuages qui sont entre les cieux et la terre. Dans tout ça, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui utilisent la raison. Donc ça, c'est pour dire que toutes ces choses-là font partie de la Rububiyya. Toutes les choses qui sont mentionnées dans ce verset sont des énumérations d'éléments qui font partie de la Rububiyya. C'est-à-dire que Allah contrôle tout ce qui se produit dans l'univers, que c'est lui qui a tout créé. Et dans ça, il dit, il y a des signes, c'est en même temps pour affirmer et confirmer le verset qui était juste avant, que, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala établissait qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Donc on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala utilise la Rububiyya comme argument pour al-Uluhiyya. Ensuite, le Cheikh, il explique la suite de ça, comme on avait mentionné, il dit « Wa kullu rasulin yaftatihu da'watahu liqawmihi bihada at-tawhid. An ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. » Donc le Cheikh, il dit que tous les messagers qui ont été envoyés à un peuple, ils commencent, ils débutent, ils ouvrent sa da'wa à ce peuple par cette catégorie du tawhid en particulier, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Et là, le Cheikh, il va donner des exemples de ça. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit « Wa kullu rasulin yaftatihu da'watahu bi amri an-nasi bi ibadatillah wa la ya'muruhum bil iqrar bir rububiyyah li'annahum مقرون بها وإنما يأمرهم بعبادة الله الذي يعترفون بربوبيته سبحانه وتعالى وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فكل الأنبياء يأمرون أممهم بعبادة الله بتوحيد الألوهية وينهونهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le Cheikh, il dit, dans tous les versets qu'on a cités, le Cheikh, il va mentionner des exemples qui prouvent que les messagers, lorsqu'ils viennent à leur peuple, ils ne les appellent pas à la Rububiyya, ils ne les appellent pas d'affirmer la Rububiyya, parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà accepté. Donc ils débutent plutôt leur da'wa en appelant les hommes à rendre leur adoration pure et exclusive à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit, le Cheikh, il mentionne des versets dans Surat Al-A'raf, le verset 59, et nous avons envoyé Nuh, alayhi salam, le prophète Noé, à son peuple, et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Et il a dit également dans le verset suivant, ou dans d'autres versets par la suite, le verset 65, la même chose à propos de Hud. Hein? Et nous avons envoyé Hud. Et il a dit à son peuple, adorez Allah seul, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Et la même chose pour Thamoud. Et à Thamoud, le peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh. Hein? Et il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Et au peuple de Madian, on a envoyé leur frère Shu'aib et on leur a dit, il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Et Ibrahim, lorsqu'il dit à son peuple, adorez Allah seul et faites preuve de piété envers lui, voilà ce qui est meilleur pour vous si vous saviez. Donc la première chose à laquelle il appelle son peuple, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc tous les prophètes, lorsqu'ils arrivent à leur, ils viennent à leur nation, ils viennent à leur peuple, ils commencent par les appeler au tawhid. Le tawhid en particulier qui est le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration. Et il vient en même temps pour leur interdire le shirk, hein, qui est le contraire du tawhid. Et il mentionne un autre exemple de ça dans le verset 36 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager leur disant adorez Allah seul. Hein? Adorez Allah seul. Et donc, la suite, وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Écartez-vous du tarout. Et le tarout, comme on va le voir, c'est le shirk, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh il dit, هَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا أَنَّ جَمِيعَ الرَّسُلِ جَاءُوا بِالْأَمْرِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَةِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَهُوَ الشِّرْكِ وَهُوَ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا يَأْتِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْآيَةِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans tous ces versets-là, hein, les messagers sont venus avec l'ordre d'adorer Allah seul, qui est le tawhid dans l'adoration. Et il dit, écartez-vous du tarout, qui est le shirk, ou l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le dire, comme on va l'expliquer, lorsqu'on va arriver à ce verset-là. Et il dit ensuite, ça c'est le commentaire de Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وبترك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقهم ليفعل هم الثاني وهو العبادة. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans surat al-Dhariyat, verset 56, il dit, nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils nous adorent. Hein? Et donc, ce verset, il prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création pour une grande sagesse. Et c'est-à-dire d'établir son adoration à lui seul. Et d'abandonner l'adoration de tout ce qui existe en dehors de lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que c'est lui qui a fait la première chose, c'est-à-dire qu'il les a créés, eh bien, il exige d'eux qu'ils fassent la deuxième, c'est-à-dire qu'ils les adorent. D'accord? Et ensuite, le cheikh, il fait des commentaires au sujet de ce verset et de cette parole. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بدأ المصنف الباب بهذه الآية وفيها حصر بما وإلا، وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون أسلوب الحصر. أسلوب الحصر أي لم أخلقهم لشيء من الأشياء سوى العبادة، فدل على أن توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله. وكفى بذلك في بيان أهمية توحيد الألوهية. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وهي العبادة، فمنهم من عبد الله عز وجل ومنهم من عبد غيره. وقال تعالى كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. Donc le cheikh il dit, nous avons le verset qui signifie, nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hein? C'est-à-dire, nous n'avons pas créé les djinns ou les hommes excepté pour qu'ils nous adorent. Hein? C'est ça la signification. Et cette façon de faire une phrase en arabe, les ulama ils l'appellent, les ulama de la rhétorique, al-balara, il l'appelle al-hasr. C'est-à-dire, c'est pour rendre exclusif ou restreindre quelque chose. D'accord? Et donc, c'est comme s'il disait, je ne les ai créés pour rien d'autre parmi les choses, excepté pour qu'ils m'adorent. Hein? C'est la seule raison pour laquelle je les ai créés. Donc, ça prouve que le tawhid dans l'adoration, c'est la base pour laquelle Allah a créé toutes les créatures et toute la création. Tout ce qui existe, Allah l'a créé pour cette raison-là seulement. Et donc, cela est suffisant pour clarifier l'importance du tawhid dans l'adoration. Cela est suffisant pour montrer son importance. Et il dit, ça montre également la sagesse pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes, c'est-à-dire l'adoration. Et parmi les créatures, il y en a qui ont adoré Allah, seul, et il y en a d'autres qui ont adoré autre que lui. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, dans Surat An-Nahl, verset 36, nous avons suscité dans chaque nation un messager disant « Adorez Allah seul et écartez-vous du tarout ». Parmi eux, certains Allah a guidés, et d'autres, la parole d'égarement s'est avérée vraie contre eux. Hein? Et à ce sujet-là, on a posé la question au cheikh Saleh Al-Fawzan par rapport à ce verset. Quelle est la signification parmi eux, certains Allah a guidé. Hein? Fama yani an ma'na faminhum man hada Allah. Fa ajaba yani waffaqahu Allah. Fal yani waffaqahu Allah fal fi'lu fi'lu al-'abd wa huwa mukhayyarun fi dhalik. In sha'a fa'al wa in sha'a tarak. Wal hidayatu wat tawfiq min Allah. والله لا يوفق إلا من كان في قلبه إرادة للخير ومحبة له فإذا علم الله من قلبه الرغبة في الخير والإقبال عليه وفقه الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالسبب من العبد والتوفيق من الله انتهى كلامه. Donc la question par rapport à la guidance, ici qu'est-ce que le cheikh il est en train d'expliquer, c'est que la guidance elle est reliée à des causes, de la même manière que l'égarement est relié à des causes. Et donc il dit, parmi eux certains Allah a guidé, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès d'accéder à la guidance. Et la raison pour laquelle ils ont eu le succès d'accéder à cette guidance, c'est par rapport aux actes qu'ils ont faits. Donc l'être humain, il a le choix de faire qu'est-ce qu'il veut. Il peut obéir à Allah comme il peut désobéir à Allah. Et il dit, s'il veut le faire, s'il veut le faire, il le fait. S'il veut l'abandonner, il l'abandonne, il le délaisse, il délaisse l'action. Et donc la guidance et le succès, ça c'est quelque chose qui vient d'Allah. C'est Allah qui donne la guidance et le succès. Tandis que, après il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas donner le succès de la guidance à quelqu'un qui n'a pas la volonté ou le désir du bien. Et qui n'a pas de l'amour pour le bien. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala sait que dans le cœur de quelqu'un, il y a un désir pour le bien, et qu'il se tourne vers le bien, il fait des efforts pour se diriger vers le bien, Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et donc, il mentionne par la suite les versets 5 à 10 dans Surat Al-Layl, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Yani, en ce qui concerne celui qui donne et qui fait preuve de piété, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et qui croit, il reconnaît la véracité du bien. Nous allons lui faciliter la facilité. Nous allons lui faciliter le bien, le paradis. Tandis que celui qui a été avare et qui a pensé qu'il n'avait pas besoin d'Allah, qu'il pouvait se passer d'Allah, et qui a démenti le bien, eh bien nous allons lui faciliter la difficulté, c'est-à-dire nous allons lui faciliter l'enfer. Donc celui qui fait des efforts, des bonnes œuvres, des efforts vers le bien, Allah lui facilite le bien. Celui qui fait des efforts vers le mal, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le mal. Et donc c'est pour dire que la cause, elle vient du serviteur. La cause, elle vient du serviteur. S'il est guidé, c'est sa faute à lui, parce que c'est lui qui a fait les efforts pour être guidé. Il a fait les bonnes œuvres qui l'ont amené à être guidé. Tandis que celui qui est égaré, c'est aussi de sa faute. Parce qu'il a fait les actes qui lui méritent l'égarement. Et donc, à cause de ça, il a été égaré. Donc, la cause vient du serviteur, mais le succès d'être guidé, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était juste une parenthèse en passant, en expliquant par rapport à l'explication que le cheikh a donnée. Et donc il dit ici, la sagesse d'avoir créé les hommes et les djinns, c'est l'adoration. Parmi les hommes, il y en a qui ont adoré Allah, et il y en a d'autres qui ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Il cite le verset 36 dans Surat An-Nahl. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager en disant « Adorez Allah seul, écartez-vous du tarout. » Parmi les hommes, certains Allah a guidé et d'autres, pour d'autres, l'égarement s'est avéré vrai pour eux. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala les a égarés. Et il dit, la base donc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour l'adoration. Et donc, celui qui a établi cette obligation-là, il mérite la récompense de la part d'Allah, tandis que celui qui a eu des manques vis-à-vis de cette obligation, eh bien, il mérite le châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a fait autre que ce pourquoi il a été créé. Et le cheikh, il explique ensuite en ce qui concerne qu'est-ce qu'il a dit par la suite. Il dit « Wa tawhid al-rububiyyah huwa af'aluhu subhanahu wa ta'ala wa tawhid al-uluhiyyah huwa af'alu al-ibad fa fa'ala Allahu al-awwal wa huwa al-khalq liyaf'alu hum al-thani wa huwa al-ibada. » Donc le cheikh, il explique que le tawhid dans la rububiyyah, c'est l'acte d'Allah. C'est les actions d'Allah. La rububiyyah, c'est les actions d'Allah. Tandis que, yani, tawhid al-ibadah, l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est les actes des serviteurs, les actes des êtres humains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la première chose, c'est-à-dire il les a créés, pour que eux fassent la deuxième chose, c'est-à-dire l'adoration. D'accord? Puis ensuite, il dit, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, وقال الشيخ, شيخ الإسلام, والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الأعمال الباطنة والظاهرة أو الظاهرة والباطنة. وقال أيضا والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكما الذل لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن الذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. Donc le cheikh, il explique que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a donné une définition pour l'adoration. Et cette définition-là, vous la connaissez probablement si vous avez étudié Al-Usul al-Thalatha. C'est mentionné dans son livre Al-Ubudiyya. C'est une révélation, définition de l'adoration qui est tirée de son livre Al-Ubudiyya. Et dans cette définition, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'adoration, c'est un nom qui comprend, qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée. Des paroles et des actions intérieures et apparentes. Intérieures et apparentes. Et il dit également que l'adoration, c'est un nom qui réunit l'amour complet d'Allah, hein, jusqu'à sa limite, et l'humilité complète pour Allah. Donc l'amour et l'humilité. Ça, c'est le centre, le cœur de l'adoration. Donc si l'adoration n'est pas basée sur, c'est-à-dire elle est basée sur de l'amour, mais il n'y a pas d'humilité dedans, il n'y a pas de soumission dedans, alors ce n'est pas de l'adoration. Et si cette soumission ou cette humilité, il n'y a pas d'amour dedans, eh bien ce n'est pas une adoration. Il faut qu'il y ait l'amour et l'humilité, la soumission en même temps, les deux ensemble, pour que ce soit une adoration. Donc les deux choses doivent être réunies. Et c'est ça ce qu'il explique ici, il dit وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ التَّذَلُّلُ وَالْخُدُوعُ يقال طريق المعبد يعني مذلل للوطء بالأقدام فالعبادة هي غاية الذل لله سبحانه وتعالى مع غاية الحب وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان ومراده بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Donc le cheikh explique qu'en arabe, dans la langue arabe, le mot ibada signifie التذلل, c'est-à-dire يعني le fait de se faire humble, se faire petit, s'écraser devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre, hein, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme l'exemple que les ulama mentionnent dans la linguistique, quand il explique la définition linguistique du mot ibada, il dit comme un terrain qu'on dit qu'il est mu'abbad, un chemin ou une terre qu'on dit qu'elle est mu'abbad, c'est-à-dire qu'elle a été écrasée, hein, par les pas des gens, c'est-à-dire c'est devenu un chemin à force qu'on l'écrase, à force de parler dessus, de marcher dessus. Et donc ça c'est la définition linguistique. Et de là on dit que l'adoration c'est yani la limite de la soumission et de l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour, hein, l'amour complet pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim il a résumé ça dans son poème qu'on appelle An-Nuniyya. C'est un poème qu'il a écrit, ça à peu près 6000 vers. Et tous les vers qui sont dedans terminent par la lettre Nun en arabe. C'est pour ça qu'on l'appelle Nuniyya. Et dedans, il réfute les Mubtadi'a et il défend la aqida de Ahl Sunnah. Et c'est un livre, mashallah, qui est vraiment fort et vraiment puissant. Beaucoup de ulama ont écrit justement des livres pour les clarifier ce poème-là. Donc c'est un poème très bénéfique. Il dit « Fahadihi al-ibadatu »« Fahadihi al-ibadatu »« Ghayatu al-dhulli ma'a ghayatu al-hub »« Faman ahabba shay'an wa lam yadhullahu »« Lam yakun abidan lahu » »« Ka hubbi l'insani l'it-ta'ami wa sharabi wa zawjati wa sadiqi »« La yusamma ibada » لأنه ليس معه ذل وكل من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له كخوف الإنسان من الظلمة والجبابرة ذله لهم لا يسمى عبادة لأنه ليس معه حب وهذا تعريف للعبادة وهو اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته ونهايته وَكَمَالُ الظُّلِّ لِلَّهِ وَنِهَايَتُهُ. Donc ici le cheikh il explique que par exemple comme on l'a dit, la définition de l'adoration c'est la limite de l'humilité et de l'amour. Et bien il dit si quelqu'un par exemple il aime une chose mais il ne s'humilie pas pour cette chose là, il ne se rabaisse pas pour cette chose là, il n'est pas un adorateur de cette chose. Comme par exemple quand quelqu'un il aime la nourriture ou la boisson, ou bien, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut boire, les breuvages, ou bien l'épouse, il aime son épouse, il aime son ami, hein, on n'appelle pas ça de l'adoration. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité dedans, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de rabaissement dans ça. Et il dit, de même que toute personne qui se rabaisse ou qui s'humilie ou qui se soumet à quelque chose, mais qui ne l'aime pas, hein, on ne dit pas de cette personne qu'elle l'adore. Comme par exemple, quand quelqu'un a peur d'un injuste, d'un tyran, ou de quelqu'un qui est, qui l'opprime, ou qui lui fait du tort, eh bien, il va se soumettre à cette personne, il va s'humilier devant cette personne, mais il ne l'aime pas, donc on n'appelle pas ça de l'adoration dans ce cas-là. Donc la définition de l'adoration, c'est pour montrer en fait que les deux choses doivent être réunies, comme quand on parle de l'adoration d'Allah. On se rabaisse devant lui, on se fait petit devant lui, on se soumet à lui, mais avec de l'amour. Hein? Et ça c'est la différence, donc c'est ça qui fait que ici c'est de l'adoration. Et il dit, « وَالتَّعْرِفُ الْأَشْمَلُ » والتعريف الأول أشمل وهو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا التعريف ما ترك شيئا كل ما يحبه الله من الأقوال الظاهرة أي الأقوال أقوال اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي يعني الأعمال الظاهرة كالصلاة ويعني الصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام والأعمال الباطنة، وهي الأفعال القلبية، الذل والخشوع والخوف والرغبة والرهبة والتوكل. فالعبادة تكون على اللسان والقلب والجوارح، فكل بدن الإنسان مشغول بعبادة الله ظاهرا وباطنا، لأنه عبد لله، يعني خلق للعبادة. Donc le cheikh il explique que la définition que Cheikh l'Islam a mentionnée en disant que l'adoration c'est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée, parmi les paroles et les actions qui sont intérieures ou apparentes, extérieures, eh bien cette définition, le cheikh il dit, elle n'a rien laissé. Elle n'a rien laissé. Tout ce que Allah aime, il donne l'exemple par rapport aux paroles apparentes. Les paroles de la langue, comme quand on fait le tasbih, on dit subhanallah, at-tahlil, la ilaha illallah, at-takbir, Allahu akbar, réciter le Coran, ordonner le bien, interdire le mal, tout ça sont des paroles apparentes. Al-af'al al-qalbiya, les actions du cœur, du corps, pardon, al-a'mal al-dhahira, la salat, jeûne, hajj, jihad, garder les liens de parenté. Tout ça, ça fait partie des actes apparents. Également, les actions du cœur, les actions intérieures, les actions du cœur. Ça, c'est des choses qu'on voit pas. C'est à l'intérieur. L'humilité, la soumission, la crainte d'Allah, la peur d'Allah, le fait de mettre notre confiance en Allah. Tout ça sont des adorations du cœur. Et aussi, les adorations peuvent être avec, donc, la langue, peuvent être avec le cœur, peuvent être avec le corps. Toutes les différents aspects du corps de l'être humain sont occupés à adorer Allah intérieurement et extérieurement. C'est ce qui fait que l'être humain est un serviteur d'Allah et il a été créé pour l'adoration, comme le cheikh l'a expliqué. Donc, si vous voulez... Je sais que vous êtes un peu fatigué aussi, on est tous fatigués, donc on peut s'arrêter ici, puis on continue demain, ou si vous voulez, on peut continuer encore un peu, ça dépend de vous. Je vois que vous êtes quand même bien réveillés malgré tout, mashallah. On continue encore un peu? D'accord, khair, inshallah. Wa qala aydan, wa amma ma khuliqa lahu min mahabbatillahi wa ridahu fa huwa iradatuhu diniya. Fadhalika مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh il a dit également, ça c'est le cheikh عبد الرحمن بن حسن, il dit ils n'ont pas été créés أما ما خلق له من محبة الله ورضاه فهو إرادته الدينية. Donc c'est le qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous comme amour pour Allah et comme agrément pour lui, ça fait partie de sa volonté religieuse, et c'est mentionné dans le verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le cheikh il explique ça, il dit فقوله إلا ليعبدون هذه إرادة دينية أراد الله منهم أن يعبدوه والإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع ولو أراد الله من العباد إرادة كونية أن يعبدوه ما تخلف أحد عن العبادة ولكنه أراد ذلك منهم شرعا والإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع. Donc le cheikh explique ici que l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala a créé en l'homme l'adoration, ça c'est dans le sens qu'il l'a voulu pour eux, yani religieusement, et la volonté religieuse, quand on dit la volonté religieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et il nous fait savoir qu'il le veut par sa révélation. Il le fait savoir qu'il le veut par sa révélation. Et c'est pas la même chose que sa volonté dans la création et dans la prédestination. Parce que la volonté d'Allah dans la prédestination et dans la création, eh bien c'est quelque chose qui doit absolument se produire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, quand c'est relié à la création et à la prédestination, c'est quelque chose à dire, c'est ça doit se produire que ce soit bon ou que ce soit pas bon, que ce soit en accord avec ce qu'il a révélé ou que ce soit en contradiction avec ce qu'il a révélé. Tandis que sa volonté religieuse, c'est sa volonté dans ce qu'il aime uniquement. Et c'est ce qu'il a fait savoir à ses serviteurs par l'intermédiaire de ses messagers et par l'intermédiaire de ses livres et sa révélation. Donc il nous fait savoir par cette révélation-là ce qu'il veut de nous religieusement. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-iradatu shar'iyya, al-diniyya. Ok? Et donc, le cheikh, il explique que la volonté religieuse, elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous qu'on l'adore. Mais c'est possible que certains l'adorent, c'est possible que d'autres ne l'adorent pas. Pourquoi? Parce que cette volonté-là, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le choix de la mettre en application ou non. Tandis que la volonté dans la création, ça c'est autre chose. Puisque parfois, des choses vont se produire qui viennent en contradiction avec l'ordre d'Allah pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu qu'il y ait ces choses-là pour qu'il y ait un test, pour qu'il y ait une sagesse dans ça. Donc, ça c'est le point que le cheikh expliquait ici. Puis, avant ça, il disait « فَالْحُبُّ لَيْسَ مَعَهُ ذُلْ » Donc, il commence sur l'explication de l'adoration. فالحب الذي ليس معه ذل وخضوع لا يسمى عبادة والذل الذي ليس معه حب ولا يسمى عبادة وإنما العبادة التي تجمع كمال الحب وكمال الذل وأما الذين يقولون إن العبادة هي المحبة فقط كما تقوله الصوفية يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه فقط وهذا باطل وضلال فالعبادة ليست هي المحبة فقط بل لا بد أن يكون معها ذل وانقياد وفعل لأوامر الله وترك لنواهيه حتى تكون عبادة صحيحة. الشيخ explique que l'amour qui n'est pas accompagné de soumission et d'humilité, hein, eh bien, on n'appelle pas adoration, de la même manière que la soumission et l'humilité, qui n'est pas accompagnée d'amour, on ne l'appelle pas adoration, mais on appelle uniquement l'adoration ce qui réunit les deux ensemble, et il explique par la suite que ceux qui disent l'adoration, par exemple, il y a des soufis, ils disent, moi j'adore Allah seulement par l'amour. Hein? Je prie pas parce que j'ai peur d'Allah, ou je prie pas pour, hein, parce qu'il dit ça c'est l'adoration des commerçants, hein, ou bien pour un intérêt. Il prie Allah pour le paradis, ou il prie Allah pour une récompense, ou il prie Allah par crainte d'une punition. Les soufis, ils disent non, nous on fait pas ça. Nous on adore Allah juste par l'amour seulement. Hein. Et donc le cheikh il dit ça c'est de l'égarement. Hein. Ça c'est de l'égarement. Et il dit, ça c'est faux et c'est de l'égarement parce que l'adoration, hein, l'adoration, c'est pas seulement de l'amour. Il faut que ça réunisse, comme on a dit, l'humiliation et la soumission ensemble. C'est-à-dire, tu dois faire les ordres que Allah t'a ordonné de mettre en application et tu dois t'abstenir des interdictions que Allah t'a interdit de faire. Et donc, si tu ne respectes pas ces deux choses-là, ton adoration ne sera pas correcte. Et en même temps, quand on regarde l'adoration des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « كَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ » Les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il les décrit et comment il mentionne leur adoration, ils nous adoraient par amour et par crainte. Hein? Et ils étaient humbles envers nous. Donc tout ça c'est la preuve. Il y a plein d'exemples des prophètes qu'Allah mentionne comme qui adoraient Allah et qui invoquaient Allah avec espoir, avec crainte. Hein? Et avec humilité et soumission. Et donc, ceux qui disent, nous, on adore juste Allah par l'amour, c'est comme s'ils prétendent qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Hein? Et donc, on voit le résultat de ça par la suite dans leurs actions aussi. Comme chez les chrétiens. Quand ils parlent, les chrétiens, ils sont toujours en train de dire, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et puis tu les vois dans le péché, dans le péché, dans le péché, parce qu'ils n'ont aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne sont pas entre la crainte et l'espoir. Et c'est très important pour le croyant de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, oui c'est vrai, il aime ses serviteurs, hein, mais en même temps aussi, il est juste, hein, il est juste, il est dur en châtiment, et ainsi de suite, pour qu'il y ait cet équilibre entre l'amour et la crainte, et pour que le serviteur, il ne soit pas dans un extrême ou dans l'autre. Et les ulama, ils clarifient ça souvent quand ils parlent de yani, l'amour et de l'espoir. Hein? Et souvent, les salafs, ils disaient que l'amour et l'espoir sont comme les deux ailes de l'oiseau. Hein? Et s'il y a l'amour et l'espoir, donc l'oiseau, il peut voler. Mais celui qui dit, il veut, et la tête, ils disent la tête de l'oiseau, c'est l'amour. C'est ce qui le fait avancer. Hein? Mais si un oiseau, il manque une aile, il ne peut pas voler. Hein? Donc c'est l'exemple de celui qui essaie d'adorer Allah juste en se basant sur une chose et qui délaisse le reste. Il dit, moi, il adore que Allah par la crainte. Il y en a qui adorent Allah que par la crainte, comme les Khawarij. À cause de ça, ils tombent dans l'extrémisme et dans l'égarement. Et il y en a qui disent, non, moi j'adore Allah que par l'espoir. Et tu les vois tomber dans la désobéissance et dans le péché. Hein? Et puis par la suite, hein, ils tombent dans le désespoir ou bien dans l'égarement à cause de ça. Et même parfois dans la mécréance. Et ceux qui disent, j'adore Allah juste par l'amour, comme les soufis, hein? Et puis qui s'égarent eux aussi. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut avoir entre ces différentes adorations du cœur qui fait que, en fait, le serviteur a réellement adoré Allah comme il faut et qu'il est préservé de tomber dans différentes formes d'extrémisme ou d'égarement. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَهَذِهِ الْآيَةِ الثَّانِيَ » En parlant du verset, nous avons envoyé dans chaque nation un messager leur disant « Adorez Allah » et écartez-vous du temps en route. Il dit, هذه الآية الثانية في كتاب التوحيد فقوله ولقد اللام لام القسم وقد حرف تحقيق وتقرير الكلام والله لقد بعثنا لقد بعثنا والله والله لقد بعثنا ولذا يسمون هذه اللام الموطئة للقسم بعثنا يعني أرسلنا والبعث هو الإرسال في كل أمة أي في كل جيل من الناس فالله سبحانه وتعالى لم يترك الناس بدون رسل فكل جيل وأمة من الناس جاءهم رسول من الله كما جاء لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط وكما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد ذكر الله عز وجل الرسل في سورة النساء قال رسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le deuxième verset, c'est-à-dire le verset dans lequel il dit qu'il a envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire d'adorer Allah seul et de s'écarter du temps en route. Et quand il dit dans toute nation, bon, premièrement il dit « walaqad », il dit le lam qui est dans « laqad », c'est « lam al-qasam », c'est le lam du serment. Hein? Et « qad », c'est une expression qu'on utilise en arabe pour confirmer quelque chose, pour rajouter de l'emphase sur quelque chose. Et il dit donc, Ici, c'est comme si Allah disait, il jure qu'il a envoyé, hein, il jure qu'il a fait et qu'il a suscité dans chaque nation, hein, des messagers. Dans chaque nation, dans chaque génération parmi les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Et il n'a pas laissé les hommes sans messager. Dans chaque génération, dans chaque nation parmi les hommes, il leur a envoyé un messager, comme Nuh est venu à son peuple, de même que Houd, de même que le peuple de Salih, le peuple de Shu'aib, le peuple d'Ibrahim, le peuple de Lot. Hein? Et il dit, de la même manière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été également envoyé à tous les hommes et à tous les djinns. Hein? Et il dit, dans le verset 24, dans surat Fatir, il n'y a pas une nation sans qu'il y ait eu un avertisseur pour elle. Il n'y a pas une nation, excepté qu'il y ait eu pour elle un avertisseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans surat An-Nisa des messagers qui viennent comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment pour qu'il n'y ait pas de preuve. Hein, c'est-à-dire pour que les hommes, une fois que les messagers ont été envoyés, n'aient plus d'argument, hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset au complet, le verset 163 à 165. Il dit, nous avons envoyé vers toi, nous t'avons révélé à toi, comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Nous avons révélé à Ibrahim et à Ismaïl et à Ishaq et à Yaqub. Hein? Tout ça, c'est les prophètes. Hein? Abraham, Ismaël, Ishaq, c'est Isaac, Jacob. Yaqub, wal asbat, et les tribus, et Isa, Jésus, Ayyub, c'est Job, Yunus, hein, c'est Jonas, hein, Haroun, c'est Aaron, le frère de Daoud, wa Sulaiman, Salomon, wa ataina Daoud à Zabora, nous avons donné à David, hein, Daoud à Zabor, ça c'est les psaumes, hein, Zabour, et des messagers auxquels, au sujet desquels nous t'avons raconté leur histoire, hein, nous t'avons raconté leur histoire, et d'autres messagers dont nous n'avons pas raconté l'histoire. Donc il y a des messagers dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé dans la révélation, mais qui ont été envoyés eux aussi à d'autres peuples. Et Allah a parlé, hein, explicitement et clairement à Moussa. Allah s'est adressé à lui, il lui a parlé. Et des messagers, donc la suite du verset, le verset qu'il a cité au début, des messagers qui sont envoyés comme avertisseurs, comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et comme avertisseurs pour qu'il n'y ait plus d'arguments pour eux après que les messagers aient été envoyés. Les messagers, hein, ils ont été envoyés, donc au jour de la résurrection, les hommes n'auront plus d'arguments devant Allah. Pour dire, oh Allah, je ne savais pas, je n'ai pas reçu de message, je n'ai pas reçu de messager. Non, les messagers ont été envoyés. Et il dit, Farisalatul Rasul, alayhi musallatu wassalam, baqiyatun wa mutatabi'atun min ladun Nuh, alayhi salam, ila Muhammadin, sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, thumma arsalna rusulana, thumma arsalna rusulana tatra, ay mutatabi'a. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فالخلق بلغتهم دعوة الرسل كلهم ولم يبق أحد لم تبلغه دعوة الرسل إلا المعاندين والمكابرين والجاحدين وهؤلاء لهم شأن آخر. Donc le cheikh il dit, les messagers se sont suivis les uns après les autres. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous avons envoyé nos messagers les uns à la suite de l'autre. Tatra. Hein? L'un après l'autre. Chaque fois qu'un messager vient à son peuple ou à sa nation, il le traite de menteur. Donc, les gens ont reçu le message, ont reçu l'appel des messagers. Il ne reste donc personne qui n'a pas ou qui n'a pas été atteint par le message et l'appel des messagers, excepté ceux qui refusent et qui rejettent la vérité avec orgueil et avec arrogance. Et ceux-là, ils ont un autre traitement. Ils auront un autre traitement. Et en note de bas de page, on dit ici, « وَسُئِلَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ عَمَّنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَ مَا حُكْمُهُ فَأَجَابَ هَذَا فَرْضٌ نَادِرٌ أَنَّ أَحَدًا مَا بَلَغَتْهُ الدَّعْوَ لَكِنْ لَوْ قُدِّرَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَعِيشُ مُنْقَطِعًا عَنِ الْعَالَمِ فإنه يعامل معاملة المشرك من حيث دفنه في غير مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليه وأما في الآخرة فحكمه إلى الله يحكم فيه بما شاء انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il a été questionné au sujet de la personne qui n'a pas été du tout atteint par le message de l'islam. Quel est son verdict? Quel est son verdict? Alors le cheikh, il a répondu, il dit ça c'est une petite portion, c'est une petite portion très rare parmi les hommes qui n'ont pas reçu le message des messagers. Et si on suppose que cela existe, il dit ce sont des gens qui existent et qui vivent complètement coupés du monde. Complètement coupés du monde, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam et des messagers. Et ils doivent être traités comme des idolâtres, des mouchriquines, dans le fait qu'on doit les enterrer, on ne doit pas les enterrer dans le cimetière des musulmans, et on ne doit pas prier sur eux lorsqu'ils meurent. Toutefois, en ce qui concerne leur verdict dans l'au-delà, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger à leur sujet comme il veut. C'est Allah qui va juger à leur sujet comme il veut. Donc, c'est-à-dire que dans l'au-delà, ils auront un jugement particulier. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de messages, des messagers et des prophètes. Naam. Donc, ayant dit ça, après le cheikh, il explique, il dit, وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بَيَانُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فقوله اعبدوا الله هذا الأمر بالتوحيد واجتنب الطاغوت هذا النهي عن الشرك. Donc le cheikh il explique dans le verset nous avons envoyé dans chaque nation nous n'avons envoyé dans il n'y a pas une nation dans laquelle nous n'avons pas envoyé un messager ou bien plutôt nous avons envoyé dans chaque nation un messager leur disant quand ils arrivent ils disent à cette nation adorez Allah seul et écartez-vous du taghout. Il dit que dans ce verset il y a l'explication de ce avec quoi les messagers sont venus. Ils sont venus avec la parole, adorez Allah seul, et écartez-vous du taghout. Ça, c'est la même signification que la ilaha illallah. C'est l'ithbat ou al-nafi. Il y a l'ordre d'adorer Allah seul et l'ordre également de s'écarter du taghout. Donc, l'ordre d'appliquer le tawhid et l'interdiction du shirk. Ça c'est l'ordre du tawhid et ijtanibu at-taghut ça c'est l'interdiction du shirk. Et le cheikh il dit at-taghut ma'khudh min at-tughyan wa huwa mujawazatu al-hadd wa al-khuruj 'an al-haqq wa al-murad bit-taghut kullu ma 'ubida min dunillah 'azza wa jalla wa huwa radin bil-'ibadati fa in lam yakun radiyan bidhalika كما عبد بعض الرسل والصالحين كانت عبادته عبادة للشيطان لأنه هو الذي أمر بذلك فالطاغوت قد يراد به المعبود نفسه وإذا كان راضيا بذلك وقد يراد به الشيطان إذا كان المعبود غير راض بذلك لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله عز وجل فكل شرك هو عبادة للطاغوت فدل ذلك على أن جميع الرسل عليهم السلام جاءوا بالأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأنها تجمع بين النفي والإثبات. Nafyu shirki wa ithbat tawhid. Donc le cheikh il dit, le tagout, c'est un mot qui découle ou qui vient du mot tourian en arabe, qui veut dire le fait de dépasser la limite et de sortir de la vérité. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme tagout? On veut dire par là tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait d'être adoré. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait d'être adoré, alors dans ce cas-là, on l'appelle tagout. S'il n'est pas satisfait d'être adoré, alors, comme le prophète Isa alayhi salam, les hommes l'ont adoré. Mais est-ce qu'il est satisfait de ça? Non, il n'est pas satisfait de ça. Donc, on ne l'appelle pas un tagout. D'accord? Donc, on dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait d'être adoré. Donc, tous les hommes pieux et les messagers qui ont été adorés, eux, ne rentrent pas dans qu'est-ce qu'on appelle tagout. Et il dit donc que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait d'être adoré, son adoration est une adoration pour le shaitan, parce que c'est lui qui a ordonné qu'on l'adore. C'est le shaitan qui nous ordonne d'adorer autre que Allah. Donc les roches, les pierres, les statues, les étoiles, les idoles, tout ça. C'est qui est-ce qui nous ordonne d'adorer ces choses-là? C'est le shaitan. C'est pour ça qu'on dit que le tagout, c'est le shaitan. Et le cheikh explique, il dit, donc le tagout, on peut également vouloir dire par cela, l'objet qui est adoré elle-même. L'objet qui est adoré elle-même, on l'appelle aussi tagout, si elle est satisfaite d'être adorée. Et on peut également vouloir dire par cela, le shaitan, si cet objet n'a pas été satisfait, ou si cette personne ou cette chose n'a pas été satisfaite d'être adorée en dehors d'Allah. Car le shaitan est celui qui nous a ordonné de l'adorer. Et le cheikh il dit, فَكُلُّ شِرْكٍ هُوَ عِبَادَةٌ لِلْتَارُوتِ. Donc toute forme de shirk qui se produit, c'est en réalité une adoration pour le tarut. Et il dit donc, cela prouve que tous les messagers, ils sont tous venus avec l'ordre d'adorer Allah seul et l'interdiction du shirk. Et c'est cela qui est la signification même du témoignage de la foi de la ilaha illallah. Parce qu'elle réunit la négation et l'affirmation. La négation du shirk et l'affirmation du tawhid. Voilà qu'est-ce que le shirk explique. Puis il dit, فَلَا يَكْفِي أَنَّ الْإِنسَانِ يَعْبُدَ اللَّهِ بل لا بد أن يجتنب الطاغوت وإن مات فإن عبادته تبطل إذا خالطها الشرك وكذلك لا بد أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين ويعاديهم في الله عز وجل أما إذا أقرهم على ما هم عليه من الشرك ولم يتبرأ منهم فلا ينفعه التوحيد فقوله تعالى واجتنبوا الطاغوت يشمل ترك عبادة الطاغوت ويشمل البراءة أيضا مما يعبد الطاغوت. Donc le cheikh il dit, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui, il n'est pas suffisant à l'homme d'adorer Allah, mais il faut également qu'il s'écarte du tagout. Donc s'il adore Allah, mais il ne s'écarte pas du tagout, s'il meurt dans cet état-là, ses adorations sont nulles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rejeté le shirk. Il y a du shirk dans son adoration, donc son adoration est nulle. Et il dit de même que nous devons nous désavouer et rejeter le shirk, nous devons également nous désavouer des mouchriquins et les prendre en opposition vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, wa amma idha aqarrahum. Donc si par exemple quelqu'un dit, oui, moi j'adore Allah seul, et j'adore pas le tagout, mais j'approuve les mouchriquins et je suis d'accord avec ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Alors le cheikh il dit, dans ce cas-là, s'il dit ça, qu'il approuve ce que les mouchriquins font comme shirk, dans ce cas-là, il ne s'est pas désavoué d'eux. Et donc, le tawhid, son tawhid ne lui sera pas profitable. Parce que quand Allah dit « Et écartez-vous du tarot », ça comprend de s'écarter de l'adoration du tarot et ça comprend également de se désavouer de celui qui adore le tarot. D'accord ? Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça demain bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.